on excès, c'est haïr en excès. Ah, love, vraiment love ango. Plus ma kasi, kole kaliwa, na dousola wapinga. Nasi na lembi ko si ferté, po pasi le kimini, na pesi nyoso. Na maboko ya nzambe, la colère est une foute folie. Na Bible baloba boye, pardon ton prochain et tu seras pardonné. Oh bayanga, yezali solution te, atala sala ki mabe mingi. Papa, tala ta rétroviseur, le passé yanga na yo. Yasso Willy le charismatique, amour est à la campombate, kasi kwisa fa bato, pakao, atosa metro bemba biaye. Loïc Tramoutina, Marie Espérance, Yana Mambeka de Lormon, Tico Elonda, Fatou, Milton Kilanda Moko. La colère est une foute folie, la Bible est maloba aboye, limisa moninga, yopoko limisa ma, kobo yangleza li solisyonti, atana sala ki mabe mingi, tata retroviseur, le pasanga na yo. L'amour est ali microbeti, mes déceptions d'amour est pesaka, infection, maladie incurable, Augustin Zambé au saline, si nga monimi. A on a fougou les bibles, la fougou mina sa cause la lobby. Mariam Moleka, Pakistan lutte, Imol Moleka. Oye pina linga kakonia na sanina nga moko. A wa sangi singa na pana sili singa abeti. Jamais moi lo baka liaka na ye misunite. Kasi flo preferé na ye zalaka mikuwa e baba. Noël ya baye, wapi Londri kije. Papa na prince Londri j'ignore, na le vimba ye. Zela ya boli weto na maboko Augustin. Bibisa moniba, tasma sala ki mande. Ya zambi. Awa boli wanda ya esi veli mali konga mamwe mbali. Eske na kozwa, mwansho soko pesa mbote ya lokalo. Augustin ya zambi. Mon amour, Augustin Yanzambe, Papa Emmanuel, Meli Yakoumi Okoufe Yosotali, Bali Sioni, Boya Mosara Maya Masoto Sara Papa Negri, Moïse Meto, Eje Weston, Jude Stanley Warpost, Nakoumi Wan, Chiflin Wanzambi, Eli Fontaine, Magali Kondonga Bijou Sinal, hey, Paul Ekiba Ponjo. Un moulin rouge, DJ S.O.D. Moziki 100 kilos, Michel Koulungu, Marie Jo Kibongu. Omar le géant. Chez de Kaba. Chantal Obambi, Jean-Claude Koutana, Dirka Biler et Lenga. Merline Bongo. Alex, Alexandra Princia. Dani Sangati. Maître Thompson. Y'a Jean-Claude Kinaka au Kili Business. Edmond Mopao, le pétrolier. Armel le vrai. Jamais verré comme la monami. Toujours compté dans sa voiture. Y'en est chauffeur des marégas. Et de la cour suprême Norbert Lenga, Arnaud Piège Molokotani, Audrey Osso. Diable Rouge de la Sabre, Elie Fontaine, Chris Mambrouko de Marseille, Flavie Gaël Malunga de Paris, Grâce Basilène Baveka, Samy Quinto, mon fils Yoka, Combien Roland Patrick, Rodrigo Lala, Kilor Elenga. Ezala kaka kaboete suta yaba bina Ezate tona pesi peleje da dumbote Explique moi Sora leka aka Pourko divisa boni mamu babe Esko na komi perile Oh mon amour, mon amour, mon amour Chave kapse La me la mama keba yamba leba Tumbe la na ye mwa baba Tje weta Bolingo yonga nene na zonela Eme kiso wonga bata ta kuluna Desia malumbi Zeni mbali Babi afana makuka ingolo ndele ofuti ya mona mona de singe Comme un verre de plus Kisa kisa nona kwiti nanga elsi akera Na ba douleur na ba kale kapito donga na komi porte male Freddy lezilka minaka sao ku sacrifice de mutu tempo Papa na versi na chance royal Arsenal Papa Medina Bonne Jolina Salaki ya Sinalelo na komi ya kala osu nongo susuwe Ichuki tenge Aole manza kwa mobima omeli meli makila oma kinga na fuluwe Adashu onzwana Nasagebe Yone bike honanga Kagene misala parfait la savane Zanga bazo Amurama Kasa simike Lopana mona kina pere Chola Jamais verré comme la molaki, toujours contraire. Francis Koumou, dans sa voiture, Yone.